pire que les transsexuels. Y'a les militants LGBT, QFWHZX+, toutes les lettres de l'alphabet n'y suffirait pas, putain de malade mental. C'est la justice immanente quand l'un d'eux crape du sida. Bientôt on balance les pédales du haut des toits comme un rack qui a subi de leur cousin pédophile Jean-Jacques Langer Marrakech. Ramène une poutre pour les pentes ou un pieu pour les empaler. Ça leur ferait beaucoup trop plaisir si je leur disais d'aller se faire enculer. Ce qui me donne le sourire, c'est pas Eric et Ramzi, mais Vladimir et Ramzan et ce qu'ils font en Tchétchénie. Je vois pas trop la raison pour laquelle les PD sont fiers d'être ce qu'ils sont. Un triangle gros, ça suffit plus. Solution, la lapidation. Si une bombe explose pendant la Gay Pride, c'est pas moi qui vais pleurer. Par contre, ça serait bien plus probable que ça soit moi qui l'ai posé. Dans l'œil éteint de Philippot, je distingue l'éclat du VIH. L'enfer serait le refuge éternel des sodomies, des pédéras. Tu sais, mental et la maladie de ces ignobles trans. Je vois ces pédos hystériques qui mériteraient la potence. Dehors, cette saloperie qu'ils insèrent dans la tête des gosses, qu'ils continuent de faire les fous, ça se finira au bout d'une broche. Leurs anciens ne sont plus là, sinon ils éprouveraient de la honte. On se tape la peste, le choléra, ne jamais côtoyer ces monstres. Les LGBT, c'est ça, ils usent du démon comme attraction. Ensuite, ils voient le Jeanne d'Arc en méprisant toute la nation. Ils sont dans les médias, nulle part sans se taper leur visage. Tellement de propagande qu'on ne manque pas souhaiter le dérapage. Leur laideur à cauchemar, ça n'arrange rien le maquillage. Stopper ces dégueulasses, on va s'unir pour faire barrage. Les féministes comptent sur l'appui de ces milliers de zombies. Destruction du viril, on devine quel est l'objectif. Où sont les pilouris pour les empaler en série? La Sainte Vierge l'a prédit, on s'enlise dans la folie. Y'a pire que les PD, ouais ouais, y'a ceux qui changent de sexe. J'ai bien une idée pour cette sale faune, mon pote attise les braises. Transphobe au dernier degré, tu sens l'enthermostat réglé. J'voudrais être chirurgien pour foirer l'opération, aucune pitié. Roberto change en Robert, t'as une femme avec du poil au pack. On n'a rien vu de plus ignoble depuis le gros nez de Cléopâtre. Pour ce genre de personne, j'lâche les chiens, t'es la première dans le four à pain. J'deviens violent, j'réponds plus de rien, mais à la base, j'suis un gars bien. J'te fais lancer avec un flingue, si tu me parles traitement hormonal, ça a pris le schéma, là t'as la frontière du paranormal. T'as des problèmes d'identité, je crée des camps pour les concentrer. Sexualité exacerbée, des tas de machines pour concasser. Jette ces tarés dans le vide ordure, écrase-les avec ta voiture. Balance-moi vite ces trucs pourris de la plus haute des toitures. Non, y'a pas de compromis, je pourrais m'étouffer avec mon vomi. Quand j'aperçois une Conchita, elle sert de cible à mon brolic. Les tarés de chez Harley, c'est direction la fosse au lion. T'es en rue de la pire des façons. J'te lâche dans un troupeau de bisons. J'fais pas dans la délicatesse, ils font dans la déliquescence. Les meilleures armes contre ces personnes, allumette tes bidons d'essence. Y'a aucune discussion possible, tu parleras à mon missile. Tu deviens la première femme à barbe qu'on aura foutu sur orbite. T'aimes t'envoyer en l'air, j'te fous dans la cuve d'un canadair. J'te laisse bien te réhydrater, puis j'largue la sauce en plein désert. J'ai tout un tas d'idées pour me débattre à ces tes petits copains. Tu peux plus supporter ta bute, j'te coince l'engin dans un grippin. J'parlerai pas des zoophiles car le tarif est similaire. On les retrouve comme les pédophiles lestés d'un poids au fond de la mer. Et cette sale race est protégée par la liberté et les droits de l'homme. J'trouve la tanière d'un ours polaire et direction le fond de la grotte. Ouais, j'ai cartel, j'ai les cheveux de trait, pas d'aquarelle, j'te refais le portrait. Fallait que j'sois violent dans ce texte, j'suis apaisé, c'est parfait. Ta fierté d'homme, elle est par terre, il te reste plus qu'à faire la vaisselle. Et toi l'homme à vagin immonde, faudrait te briser comme un bretzel. J'ai pas fini de m'occuper de vous, avec mes potes on creuse un trou. Je le remplis de choses ignobles, je te pousse dedans et puis je rebouche le tout. Arrêtez de nous faire dégueuler, à pleurnicher dans les médias. Tu te couches le soir bien confortable, j'arrive et vite je fous le feu au drap. Qui sème le vent du scandale, récolte la tempête infernale. Vos têtes finiront sur des pics à la parade sur un char. Je vous conseille de stopper le délire, saloperie de théorie du genre. Un bon lance-flamme, un bazooka, et vos idées finissent en cendres. Bien sûr.